Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 20e numéro du mag, numéro un petit peu spécial puisque c'est le dernier de cette saison avant une pause estivale. On sera présent quand même pour vous parler des films, mais on s'arrête là pour les séries, donc on va faire tout simplement le bilan de cette saison 2014-2015, tout ce qu'on a retenu, nos coups de cœur, peut-être nos coups de gueule pour certains. On va reparler de tout ça et puis peut-être un petit peu se projeter aussi sur la saison prochaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 20e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost and then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi pour le bilan de cette saison, Mulder. Bonjour tout le monde. Léo. Salut à tous. Arnaud. Salut. Et Elodie. Bonsoir. Alors, pas de conducteur cette semaine. Pas, voilà, c'est complètement freestyle sans parachute. Est-ce que vous souhaitez commencer par du positif ou plutôt on commence direct dans le gros lourd et on descend ce qu'on a envie de descendre? On va éviter que Arnaud nous parle de Gotham. Ça arrivera. Bah, ça a été quand attention, même sujet dangereux. Sujet dangereux et émission quand même la plus écoutée de cette saison, donc c'est pas pour rien. Bon, on va parler de beaucoup de scores avec une joue de Berval pareil. Ah oui. Ah, c'est bien. Allez, on va commencer peut-être par ce que vous avez retenu en positif, si vous ne deviez garder qu'une série cette saison. Ah, c'est difficile. Ah, je sais. Alors, vas-y, Léo. Daredevil, sans hésitation. Okay. J'ai été vraiment conquis du début à la fin. J'ai trouvé la série vraiment très travaillée, super bien faite, très jolie esthétiquement et surtout très bien interprétée. J'attendais beaucoup Vincent D'Onofrio en Kaïd, notamment, et il m'a pas déçu. Idem pour Charlie Cox en Matt Murdock. Et voilà, du début à la fin, j'ai bouffé la série et j'attends que la saison 2. Ouais, effectivement, bon, on peut s'arrêter 2 secondes hein, sur Daredevil, mais c'était quand même voilà, le gros coup de cœur pour tout le monde en ce début de saison. J'ai pas souvenir que personne parmi vous n'ait pas trop aimé cette série. Je l'ai pas encore vu, donc. Tu l'as pas encore vu? Peut-être. Peut-être. J'ai vu les deux premiers qui m'ont emballé moyennement. D'accord. Donc c'est pour ça que t'as pas continué, c'est parce que t'étais pas finalement. Non, parce que j'ai pas eu le temps. D'accord. Mais je compte la finir. Et toi, Mulder, oui, tu as été convaincu. Oui, largement. Parce que t'avais écrit. Oui. Très convaincu, ouais. Mais si je devais retenir que le coup de cœur de cette saison, pour moi, c'est plutôt Agent Carter, en fait, qui m'a bien bluffé. Je suis un simplement peu surpris de ton choix, j'avoue. Simplement parce que c'était, je m'en attendais pas du tout à accrocher autant à cette série-là. Alors, je pensais qu'elle serait vraiment une série très très faible, qu'elle marcherait vraiment pas. Et finalement, je me suis laissé, j'ai pas vu le temps passer, en fait, avec cette série-là. Mais en même temps, j'ai vu un épisode par semaine, hein, pas comme toi qui a vu en binge-watching, je crois. John Carter, non, j'ai regardé les 4 ou 5 premières semaines au fur et à mesure, et puis oui, les 3 derniers, je les ai vus d'un coup, il me semble que c'était un peu comme ça. Mais oui, non, c'était sympa, mais... Oui, si, c'était sympa, quoi. C'était sympa par rapport à d'autres trucs. Si, moi, je suis d'accord avec Mulder, moi, j'ai adoré aussi Agent Carter. Donc ça serait aussi ce que tu retiens de cette saison? Dans les nouveautés, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'était un peu la surprise, parce qu'on ne s'attendait pas forcément non plus... à apprécier forcément autant tout ça, et surtout le personnage de Peggy Carter, c'était peut-être ce qui pouvait... Hayley Atwell, c'est ça le nom de l'actrice, à mon avis, il faut le retenir. Ah ouais. Mais moi, ce que je m'attendais pas du tout, c'est que ce soit tant rattaché que ça au film Captain America First Avenger, et aussi que la reconstitution soit, pour une série télé, soit aussi minutieuse, bien faite. Après, c'était le risque quand même de cette saison pour Marvel, c'était voilà, une série avec un personnage féminin, on sait que les personnages féminins c'est pas forcément ce qu'ils savent le mieux gérer, donc le pari était plus risqué de ce côté-là. Après, au niveau des audiences, c'est un peu catastrophique. C'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas franchement emballant. En même temps, c'est une saison de 8 épisodes en plein, c'était quoi, c'était en plein janvier-février. En plein hiatus de Agents of S.H.I.E.L.D. au final. Ouais. Ouais. Pendant le break des Agents of S.H.I.E.L.D. Bah, pendant le break de beaucoup d'autres séries, donc au final... Bah, t'as Hannibal qui fait encore pire en audience, et c'est au mois de juillet. Hein. Au final, Hannibal a été trimballé sur plusieurs mois. Ouais, et puis l'été, c'est quand même... Avant, c'était au mois de mars, c'est pas la même chaîne. Enfin bon, voilà, Agent Carter, en tout cas, le pari, on va dire, sur la série en elle-même est plutôt réussi. Après, c'est vrai que sur les audiences et sur les, sur les résultats, bon, c'est, voilà, c'est pas au rendez-vous. Les audiences, c'était pas terrible, mais c'était pas non plus... Enfin, non, c'était pas la catastrophe. Sur le global, mais... c'était pas terrible, mais sur, le, sur la cible, ça faisait mieux que Agents of S.H.I.E.L.D., par exemple. Le principal est qu'elle a été renouvelée. C'est ça, voilà, ça n'a pas empêché le renouvellement. C'est surtout parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, d'avis positifs. Hein. Il y a eu beaucoup de buzz autour de la série. Donc, renouvellement de la série qui gagne 2 épisodes en plus. Oui, en plus, ça, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'est très bien qu'on reste sur ce petit format, hein, puisque quand même, ce qu'on peut retenir, c'est que les séries au petit format cette saison nous ont bien plu. Que ce soit Daredevil, iZombie ou Agent Carter, au final, ce format un peu court, voilà, ça marche. Oui, oui, c'est bien, ça, ça condense. Alors que certaines autres séries auraient dû avoir un format de... C'est ça. ...épisode. Ça aurait été mieux. On ne la citera pas. Et puis, il y en a une qui a eu ce format et qui est morte, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que Constantine, c'est la grande perdante de cette année. Ouais. Je l'avais déjà oublié. Et oui, c'est... bah, c'est fini hier, celle-là. Et... C'est la première série adaptée de comics qui est annulée, enfin, dans la grande vague récente, quoi. C'est la première victime. Post-Taro. Je sais pas, moi je l'ai pas vu, c'est si catastrophique que ça. C'est pas une grosse catastrophe. C'est pas une grosse catastrophe. Il y a Powers, par exemple, qui est largement pire. Oui, non, mais c'est ça. Powers, c'est surpassé. On verra tout à l'heure sous les déceptions. Ouais. Mais Constantine, voilà, c'est pas une grosse catastrophe, c'est juste plein de bonnes idées, très mal ou pas exploitées. Voilà. Ou pas assumées, on va dire. Aussi. Dommage. Arnaud, tu nous as pas dit, toi, ce que tu retiendrais comme série si tu n'en gardais qu'une cette saison. Gotham. Dans les déceptions, oui. C'est difficile parce que Daredevil, il y avait beaucoup d'attentes autour de la série à cause du film. Mais je pense que je dirais The Flash parce que je pense que c'est la série qui se rapproche le plus des comics d'origine, des comics qu'elle adapte. Et du coup, c'est un beau tour de force des scénaristes d'avoir réussi à la fois plaire au public lecteur et au public qui ne connaît pas les comics. Et du coup, je pense que c'est celle que je retiendrai le plus, malgré pas mal de défauts tout de même. Bien sûr, oui. Après, The Flash, on peut aussi voilà, s'intéresser... On parlait des audiences pour Agent Carter. The Flash, c'est le carton d'audience cette saison. À l'échelle de la chaîne, effectivement, hein, on va pas parler d'audience à la NCIS ou compagnie, mais à l'échelle d'une chaîne comme la CW, c'est quand même un gros carton. C'est la meilleure série de la chaîne. C'est le plus gros carton de la chaîne depuis 4-5 ans, non? Oh oui, depuis son existence, tout court. Donc voilà, c'est quand même pas pour rien si autant de monde regarde. Effectivement, tu dis, ça a réussi à concilier effectivement le public de la chaîne, le public amateur de comics. Donc voilà, c'est une belle performance. Pour ma part, du coup, et pour citer une série qu'on n'a pas encore citée, je retiendrai cette saison Agents of S.H.I.E.L.D. Bah comme ça, il y en a pour tout le monde. Parce que, mais j'aurais pu dire. Tu l'as pas dit, toi, Elodie? Bah, en nouveauté, j'ai bouffé mes Agents Carter, mais je te laisse finir sur Agents. Ah oui. Donc, du coup, Agents of S.H.I.E.L.D., j'aurais pu citer The Flash ou Daredevil aussi, mais Agents of S.H.I.E.L.D., voilà, c'est tellement enthousiasmant. Dès le début de cette saison, quoi, c'est parti sur un rythme incroyable, ça n'a pas ralenti, et même au contraire, ils ont accéléré à la mi-saison, et la deuxième moitié de saison n'a été qu'une succession de choses incroyables. Les Inhumains, l'introduction de tout un pan de l'univers Marvel qui est très réussi, enfin voilà, et le final. Ah, moi je suis d'accord, tu m'avais conseillé de continuer et de forcer, et je suis comme toi, j'étais vraiment enthousiasmé et je me sentais presque orphelin quand j'avais plus d'épisodes à regarder, et du coup j'ai beaucoup aimé en fait, mais après bon, c'est aussi une réminiscence de Twin Peaks, mais le personnage joué par Kyle MacLachlan, qui joue Calvin Zabo, il est jouissif, c'est aux antipodes de l'agent Cooper qui joue chez David Lynch, mais là il s'est transcendé, il a bossé sur son personnage. Bon, il a aussi pris 25 ans, mais il est vraiment très. Enfin, ça ajoute au kiff qu'a été cette seconde saison, qui a réussi à garder le niveau de qualité de la première, tout en rajoutant plein d'autres trucs. Enfin, j'étais surpris de voir avec quelle maîtrise il tenait en effet tous les tenants et aboutissants du multivers Marvel. Non, c'est vraiment. Vraiment très bon. Et du coup, Elodie, toi, puisque tu as retenu Agent Carter en nouveauté, mais sur la saison, c'est peut-être pas Agent Carter, du coup. Comme série qui n'est pas une nouveauté, on va dire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saison 5 de The Walking Dead. Ouais. était quand même l'une des meilleures saisons de la série. Surtout sur la deuxième moitié, si je me rappelle bien. Ah oui. Bah moi non, je pense que déjà moi le tout premier épisode de la saison 5. Oui, était très très bien. Oui. Et mon épisode préféré, je pense, de la série déjà. Mais ça s'est vraiment amélioré au Walking Dead parce que j'hésite toujours à reprendre la série parce que les deux précédentes ont vraiment. Alors moi je te conseillerais une bonne saison, non, une demi bonne saison contre quatre vraiment pas terribles voire très mauvaises. Alors non, retombe pas là dedans. T'es mauvaise langue. Franchement, je suis assez d'accord avec Arnaud. Concrètement, la première moitié de saison, je me suis rarement autant fait chier sur cette première moitié de saison parce que vraiment, il y a un épisode, on peut toujours spoiler. Oui, voilà, Walking Dead en plus c'est vieux maintenant. Voilà. Bon, alors il y a un épisode où il y a le personnage de Bob qui meurt et ça dure tout l'épisode et c'est pénible, chez pénible. Enfin pour moi c'est ça. La première moitié de saison. Alors en effet le premier épisode j'étais plutôt convaincu parce que les quatre autres saisons en fait m'avaient plus ou moins convaincu, enfin plutôt moins que plus. J'étais plutôt content malgré quelques réticences, j'étais plutôt contenté par le premier épisode. Ensuite, pour moi, c'est parti n'importe comment. Et la deuxième moitié de saison, comme dit Arnaud, était plutôt pas mauvaise parce qu'elle soulevait déjà plus de questions. Il y avait déjà un peu plus de contenu. Mais voilà, enfin, c'est trop faible encore Walking Dead. Malheureusement, ça fait 5 saisons que ça dure et ça commence à devenir pénible. Moi, je plutôt, contrairement à toi, contrairement à toi, Jean Carter, les saisons ne sont pas faibles. Ah, ça, c'est sûr. C'est la série du câble, quoi. Oui. C'est même la série toute chaîne confondue, je crois. Ah bah oui, parce que ça fait des audiences. Oui, ça bat NCIS et compagnie. Ouais, c'est ça le problème. Ça fait autant, quoi. En part de marché, oui, en nombre de téléspectateurs, non. Si, je crois, ça fait 17 millions, je crois, de Walking Dead. Ouais, c'était le premier épisode. Autant que NCIS. En tout cas, voilà, sur les. C'est les 4 ans et plus, c'est ça chez eux, c'est quoi? C'est les. Ouais. Les 19. Les. 18-35. Voilà, 18-30-49. 18-40. Voilà. Sur cette cible-là, en tout cas, voilà, ce sont des taux incroyables qui feraient baver n'importe quel président de chaîne. Ça, c'est sûr. Clair. Et c'est pas pour rien si Robert Kirkland a signé un deal avec la chaîne. Bon, bah, c'est sûr que pour l'instant, The Walking Dead n'est pas prête de mourir, en tout cas. Non. Donc, on aura le spin-off cet été. Oui, en plus. Ils ont pas renouvelé pour 2-3 saisons déjà? Deux saisons. Il me semble. Ouais. Deux saisons. Il me semble que 6 et 7 d'un coup, ouais, ça a été. Je me souviens pas. Bon, c'est assez vieux comme annonce. Il me semble que c'était. Ils avaient annoncé ça dans la première moitié de saison. C'est assez vieux. Parce que je me souviens de deux saisons aussi. Ouais. Oui, et comme ça, voilà, ils ont tout renouvelé. Voilà, on est reparti pour 2 ans. Là. Ouais, parce que je me souviens avoir été consterné par cette annonce, quoi. Putain, ça avance déjà pas. Alors, si en plus ils ont du rab. Non mais on est mal barré pour que ça finisse. Moi Mulder, tu vois, enfin moi je te dis, j'hésite concrètement à arrêter la série parce que ça fait 5 saisons que je bouffe ça et je le fais un peu contre mon gré. Toi qui hésites à reprendre la série, je te dis c'est à tes risques et périls. Non mais c'est pas vrai, il y a des épisodes qui sont très très bien. Moi je vous dis pour The Walking Dead, lisez les comics, ils sont incroyables. Ouais, je pense que j'ai plutôt lire les comics parce que. Là, en plus on est reparti sur des trucs en ce moment là, voilà, assez foufou, donc voilà. Lisez-les plutôt que de les regarder, à mon avis, mais bon, après, voilà, chacun fera son avis, et s'il y a 16 millions de personnes qui suivent aux États-Unis, voilà, c'est pas pour rien aussi, c'est qu'il y a bien toute une grande partie du public qui trouve son compte dans cette série, dont Elodie. Exactement. Voilà. Allez, on va arrêter de jeter des fleurs, on va parler maintenant, si vous deviez jeter une saison de cette année-là, laquelle serait-ce ? Gotham. Direct, pas d'hésitation. Vas-y, je te promets, je te laisse. Non, vraiment. Enfin, à y réfléchir, Gotham, c'était vraiment très, très, très mauvais. On va pas refaire le débat. Non. Mais Powers, c'était inadmissible de proposer une série pareille. Ah, c'est si mauvais que ça? On est d'accord. Ah, Powers, c'est inadmissible. C'est les années 90. C'est le pire de ce que les années 90 ont pu faire. Et pire que 2015. Mutant X. On fait des très bonnes choses. Pire que Mutant X. Ah oui, pire que tout. Ah non. Tu vois, limite, tu voyais des câbles par lesquels les acteurs étaient accrochés. Exagère un peu. À peine. Ah non. Pour m'être tapé les 10 épisodes, non. Je veux dire que l'épisode 6, la scène dans l'espèce de bunker, dans l'épisode 6, où le personnage principal se remet à voler, oui, les câbles, ils ont été à peine gommés. Jeu des acteurs est catastrophique. Ah oui, un jeu. J'y ai pensé. Je veux pas faire de délit d'intention, mais une série annoncée par PlayStation Network, est-ce que déjà ça commence, enfin, il y avait pas un petit. Il y avait bien l'entrouille, ouais. Non, parce que à la base tout le monde a hurlé et a dit la même chose quand Amazon a voulu proposer des séries, et au final ils font des choses de qualité. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, et puis Sony c'est quand même pas non plus les plus pauvres, voilà. Non. Ils ont quand même possibilité de mettre des moyens derrière ce truc et voilà, ils l'ont pas fait. Et ben voilà. Ouais. Et il y a une deuxième saison. Donc ça veut dire que économiquement, ça a suffisamment marché, ils ont suffisamment vendu de passe saison de je ne sais pas quoi pour pouvoir se dire, eh ben ça vaut le coup, on fait une deuxième saison. Et les ventes internationales aident aussi. Hein. Bah tu sais, t'as Mutant X, ça fait 3 saisons. Hein. Ouais. Mais ça relativise pas mal de choses. Hein. Dans le monde, ça, c'est ce qui les fait qu'ils peuvent après produire, hein, c'est la vente des droits hein, qui généralement fait qu'après ils peuvent financer une deuxième saison. Mmh. Bah écoutez, ça finira en France sur numéro 23 et ça fera 9000 téléspectateurs comme hier avec Orphan c'est Black. Sur OCS, et voilà. C'est sur OCS, ouais. Il y a eu un partenariat. En US plus 24 en plus. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu cette histoire-là. Bon. À suivre pour la deuxième saison ou pas. Hein, on y réfléchira deux fois. Non, non, non. Allez, une autre déception à part Powers, ou est-ce que tous vous êtes unanimes pour jeter Powers? Bah, ceux qui ne l'ont pas vu, non, forcément. Non, moi, j'ai pas vu. Bah, vas-y, Elodie, vas-y. Non, vas-y. Moi, j'ai pas vu Powers, et là, à y réfléchir, je jette sans aucune espèce de remords, du coup, la saison 5 de Walking Dead, pendant laquelle, la majeure partie du temps, je me suis ennuyé. J'ai été toujours consterné par le fait que cette série n'arrive pas à monter de niveau. Il y a des épisodes pourtant qui m'avaient donné espoir, comme quand le gouverneur était là. Bon. Là, il manquait une vraie figure. Il y avait toujours cet esprit de un lieu, une intrigue ou déjà. Alors, j'ai trouvé en plus que les zombies étaient réduits au rang de figurants et n'étaient presque pas inoffensifs. Ils étaient offensifs, pardon. Ils étaient un peu offensifs, mais pas. Voilà, ils ont plus passé de temps à se faire, à se mettre sur la gueule plutôt qu'à combattre des zombies. Donc bon, alors après, certes, la deuxième partie de saison est un peu meilleure. Il y avait vraiment quelque chose. Donc comme je disais tout à l'heure, mais ça suffit pas quoi. Enfin, je suis loin, très loin d'être transcendé, enthousiasmé et transporté par Walking Dead. Et là, la saison 6, bah, on verra. Hein, mais oui, peut-être qu'en se rapprochant de la fin, ils feront une espèce de rémission et il y aura quelque chose de mieux. Mais j'attends encore et ça fait 5 saisons que ça dure et ça commence à faire très bon. Elodie, tu jettes quoi toi? Ah, pardon, excuse-moi. Je voulais juste dire, je suis d'accord avec Léo, la saison 5 de The Walking Dead est pas terrible, surtout la première partie. La seconde partie de saison rattrape le truc, il y a vraiment des choses très intéressantes. Mais la première partie de saison est vraiment horrible. Le premier épisode, d'accord, il est plaisant, il y a de l'action, mais il faut un peu autre chose derrière. Le deuxième... Il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a tout dans ce premier épisode. Ouais. Le deuxième, c'est allé, mais après, dès le troisième, quatrième, ils sont partis dans quelque chose d'assez ennuyeux. Puis en plus, ils ont toujours un problème, c'est de diluer les intrigues dans plein d'épisodes, dans plein de sous-intrigues. Et du coup, un truc qui peut être résolu en un épisode, c'est résolu en 6 épisodes. Et c'est assez énervant parce que tu sens l'artificialité pour vraiment tenir jusqu'à la fin de la mi-saison ou la fin de la saison. Et du coup, c'était assez déplaisant sur la première partie de saison. Mais quand même, il y a pire que cette saison 5 de The Walking Dead, c'est la saison 5 de Arrow. C'est la saison 3, ça suffira. La saison 3. Mais alors, juste avant de revenir sur la saison 3 de Arrow, parce que ça, c'est le choix que j'avais fait personnellement aussi. Elodie, on t'a coupé, donc. Bah, j'allais justement évoquer, donc ça pourra. La saison 3 de Arrow. En fait, non, je pense que moi, j'ai pas vu Powers, mais enfin, j'ai juste vu les deux premiers, mais pour moi, je pense que le pire était Gotham. Mm-hmm. De loin. On fera pas non plus le débat. Non. Je voulais parler de Flash et Arrow, parce que personnellement j'ai défendu Arrow cette saison 3 alors que tout le monde la détestait. Et au contraire, en tout cas le début de saison pour moi de Arrow, que j'ai trouvé, c'était pas génialissime, hein, mais j'ai trouvé très correct. Alors que Flash au contraire m'avait plutôt déçu au début. Et, ouais, et à l'inverse, Flash pour moi s'est amélioré sur la fin. Et comme je n'ai pas pu réagir au débat il y a 2 semaines et que j'ai fini Arrow hier soir, mm-hmm. je voudrais réagir sur ce final que j'ai trouvé extrêmement nul. Mais alors une déception qui a fait descendre toute la saison 3 dans mon estime. Ah, il a fallu que tu attendes deux finales pour que la saison 3 descende quand même. Oui, parce que moi j'ai trouvé ça plutôt sympa et même j'ai trouvé que quand il intègre la Ligue des Assassins, ça aurait pu être une très bonne intrigue. S'il était vraiment devenu méchant et tout, moi j'aurais été hyper contente, ça aurait été un truc plutôt sympa à faire. Mais alors ce final, je sais pas, je trouve même pas le mot, j'ai trouvé ça tellement décevant. Il y a aucun cliff qui te donne envie d'aller voir la saison prochaine. Ah bah au contraire. Ah bon ? Au contraire, ça te donne envie de ne pas revenir. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est... Ah oui, c'est oui, non seulement ils n'atteignent pas l'objectif de nous donner envie de revenir, mais en plus, à mon sens, ils atteignent l'objectif contraire. C'est ça, parce qu'il y a rien, il y a pas un tout petit truc qui te dit oh j'ai envie de savoir la suite. Ils se cassent avec Felicity. Personnellement, en plus, je suis pas du tout pro Felicity, donc voilà. Mais Yves et Kururu, ils ont beaucoup d'enfants. Ça aurait pu très bien être la fin de la série. Il y a pas de souci. Elles veulent pas ma blague. Ah, c'est une blague que tu as faite, c'est ça? Je l'ai faite. Vécu heureux, ayant beaucoup d'enfants, Aro, ou je sais plus ce que je veux dire. Justicier. Ouais, plein de bébés justiciers. Ouais. Non, mais, on va essayer de passer cette parenthèse des bébés justiciers. On va juste s'arrêter. Non, mais c'était juste ridicule. Et puis, il y avait surtout. Sans ce final, il y avait juste rien, quoi. Flash aurait pu résoudre le truc en deux secondes. Il fait une courte apparition qui était très sympa. D'ailleurs, c'était le meilleur passage de l'épisode. Mais il aurait pu récupérer tout le truc du virus en deux secondes. Il se casse et il ouvre juste une porte. Mais il a un peu autre chose à foutre en même temps. Bah, puis les scénaristes n'avaient pas d'autres idées. Donc, valait mieux qu'il laisse se finir comme c'était prévu, quoi. Mais le showrunner pour Arrow, il n'avait pas prévu un soi-disant plan pour 5 saisons? Ils disent tous ça. Ouais, je sais pas, mais. Bah, je pense qu'ils ont voulu introduire un peu Legend of Tomorrow, mais alors très légèrement. Quand on sait que Sarah va revenir, alors ça, c'est le truc le plus ridicule qui puisse exister, mais bon. À voir comment ils vont faire ça. Surtout quand on sait que les plans pour. C'était Harley Quinn était abandonné, non? Oui. Oh, il y a plein de plans qui ont été abandonnés. Ouais, il y a Queen, Deathstroke. Oui, Deathstroke, on n'est pas prêt de le revoir, surtout vu les dernières rumeurs côté cinéma, donc voilà. Voilà, donc ils sont en train d'essayer d'improviser un plan de secours, ils n'y arrivent pas, quoi. Bon, bah voilà. Mais le problème, c'est que maintenant, on se demande quel vilain ils vont nous amener, quoi. Damien Wayne, enfin Damien en tout cas. Ouais. Oh, super. Donc, ouais, Arrow, clairement déception. Et toi, Mulder? Déception? Gotham. Ouais. Gotham aussi. Non, mais je suis désolé, hein, Léo. Non, mais moi, c'était. C'est pas grave, hein, Léo n'est pas président du fan club de la série, hein. Y a pas de soucis. Je l'ai dit bien pire quand t'as dit hein, non. Non, mais pour moi, dès le début, ça m'a consterné de voir les Easter eggs qui étaient vachement forcés. Enfin, tous les clins d'œil aux comics, vachement forcés. Le Riddler, le teasing sur le Joker, ça m'a vraiment atterré. Ouais. Oui, non, mais oui. Moi, dès le pilote, en fait, je ne comprenais pas les louanges qu'on faisait sur Arrow, enfin sur Gotham. Ouais, bah on faisait pas trop de louanges chez nous, en tout cas. D'accord. Il y a un épisode, je crois, où on a été un peu tous plus ou moins unanimes sur... voilà, c'était le septième avec le pingouin, là. Mais sinon... Bon, quoi. Finalement, quand on met en parallèle, que ce soit nos coups de cœur ou nos déceptions, finalement, c'est la première année où, vraiment, il y a quand même pas mal de choses qui nous ont bien déçus. Bon, il en faut un peu pour tout. Hein. Parce que l'année dernière, si on se rappelle, on s'était quitté sur une bonne impression pour Agents of Shield. Arrow, on avait eu un final incroyable. Walking Dead, bon, bah Walking Dead. Voilà quoi, c'était pas. Et là. Là, il y a plus de choses aussi, hein. Ouais, bah en fait, les nouveautés de cette année. Bah si, il y a eu iZombie, Agent Carter, Flash. Ouais, c'est vrai. C'est moitié-moitié quoi. Ouais, c'est moitié-moitié. Hein. Moi, c'est ma première, donc bon, je. Daredevil. Oui, Daredevil, c'est vrai. Et au final, il y a Powers en nouveauté qui vous ont déçu. Powers, Gotham. Ouais, oui, c'est déjà trois. Si on rajoute The Strain, qui était à l'intersaison. Oh putain. Eh, faut pas l'oublier. J'ai complètement oublié celle-là. Léo, tu allais dire? Bah, moi, c'est ma première, c'est mon premier bilan, là, avec vous, donc, bon, mais, de ce que j'ai vu, parce qu'en effet, j'ai pas vu Constantine, j'ai pas vu Powers, mais, la seule chose qui m'a réellement déçu, c'est Walking Dead. Le reste, Gotham, vous savez, j'ai plutôt bien aimé. Oui, bah, oui. Flash, j'ai aimé, alors que ma première impression a été un peu mitigée, puis finalement, j'ai bien aimé. Et Agents of Shield, j'ai beaucoup aimé. Arrow, j'ai pas tout vu encore, mais cette saison 3, c'est vrai que le, ah bah, désolé, c'est un peu trop Batman-like, en fait. Et depuis Daredevil, j'ai tout simplement adoré. Donc, enfin, pour l'instant, enfin, j'ai pas eu tant de déception que ça. Enfin, il faudra que je poursuive dans la saison 3 de Arrow, mais des échos pour l'instant que j'en ai eu. En effet, je crois que ça pourrait être mon autre déception de l'année. Il y a eu des trucs très bien dans Arrow. Moi, j'ai beaucoup aimé le développement de Laurel et de Black Canary, qui malheureusement à la fin est complètement effacé, mais bon. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a des sidekicks qui sont pas trop développés, pas trop utilisés. Ah, on avait un Wildcat qui aurait pu se montrer intéressant et bah on sait pas où il est passé. Enfin, il était intéressant quand Oliver avait disparu. Après, il a non, même dans sa dynamique avec Laurel, il était pas inintéressant. Et... Ah ouais, non, je parlais des sidekicks en général, ils étaient intéressants. Ah, oui. Ils étaient développés quand Oliver était plus là et ah, bah, deux oui. épisodes après, il est revenu et ils ont été un peu effacés. T'en regretterais presque qu'ils soient revenus. C'est clair. Et il y a que moi qui ai bien aimé la relation Laurel-Nissa. Non, bah. c'était plutôt sympa. Sympa. Oui, mais c'était pas énormément développé. Bah oui, mais c'est ça, c'est bien dommage. Ils ont complètement mis Laurel de côté après. Ouais. Ils ont voulu mettre en avant Felicity qui est devenue hyper chiante. Hein. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que cette année, on arrive à regretter que Laurel, on parle quand même de Laurel, ait été mise de côté. Et je trouve ça incroyable parce que, enfin. On préfère Laurel à Felicity. Quand même. Vous êtes sérieux? La Laurel qui est super chiante, qui agit comme une enfant gâtée, la collection de procureur, c'est bien celle-là. Oui, c'est celle-là, oui. Et arriver à ce qu'on regrette, enfin, moi je le regrette pas personnellement, forcément, mais voilà, il y a quand même, voilà, Elodie le regrette, Arnaud a l'air de trouver ça aussi dommage. Voilà, c'est pas rien vu tout ce qu'on pouvait dire de Laurel, enfin, dans Arrow, en fait, tout s'est inversé en une saison. Bah moi je préfère Laurel à Barbara Gordon et à Iris réunis. Ah bah ouais, c'est clair. C'est le pire du pire. Là tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que toutes les séries DC ont une femme agaçante. Une sauf fétiche, Daredevil. Ouais, mais c'est pas DC. Bah c'est Marvel. C'est vrai. Donc du coup voilà. sauf Constantine, je crois. Oh bah on va pas non plus dire oh que oh non, elle était énervante. C'est Rose ou c'est Liv? Je sais jamais laquelle c'est. Liv, c'est iZombie. Donc Liz. Mais c'est DC ou c'est Marvel? Qui? iZombie. C'est Marvel. C'est DC, oh putain. Ah bah, je vois pas trop de filles chiantes. Non, c'est vrai. Non. Mais c'est plutôt vert, c'est plutôt ça. C'est pas l'univers DC en lui-même, c'est l'univers Vertigo, donc c'est quand même à part. Mais il y a des mecs chiants par contre. Ah, il faut du chiant en tout. Mais ouais, voilà, on a la connasse, j'ai envie de dire, dans ces trois séries. Et on aura bientôt Supergirl. Et on aura notre Supergirl. Attention, la bande de Pandore. Tu vas réveiller Elodie là. On disait là, ils ont décidé à des filles chiantes, ben Supergirl bientôt. Ouais. Mais tout le monde n'est pas d'accord ici. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on se tournera vers l'avenir. Allez, si on devait garder, alors non pas une série, mais un moment, une scène, un épisode en particulier, voilà, quelque chose qui... Allez, ça peut être deux, parce que vraiment, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cette année. Là, comme ça, qu'est-ce que vous diriez? Moi, tout de suite, j'en ai deux qui viennent. Science Biatch. Moi, pareil. Science Biatch. Amel Torse Nu, ça compte. Qui? Stéphane Amel Stéphane Amel Torse Nu, ça compte. On en est un peu lassé, donc si t'en avais trouvé un autre, à la rigueur, pourquoi pas. Charlie Cox, là, ça marche. Ah. Est-ce que par hasard, tu aimes Emily Bridge Richards, alias Felicity, en petite tenue? Moi, personnellement, non, ça me semble. non, là, tu vois, j'ai envie de vomir. Mais par contre, même si j'aime pas du tout le couple Arrow-Felicity, j'ai beaucoup aimé la scène où ils sont ensemble. J'ai trouvé très... Oh non. Pour moi qui les déteste ensemble, je trouvais que c'était plutôt bien réussi. Ouais. Donc toi, ton moment, ça serait... Non, c'est pas du tout ça. J'entends qu'il vient en tête, là, comme ça, mais... Bah, alors, vas-y, peut-être Arnaud qui en a murmuré un tout à l'heure. Science Biatch, effectivement, qui fait aussi qui fait partie également de mes deux moments cultes. J'ajouterais non seulement Science Biatch, mais aussi I'm the guy who kills Gordon. Ça, j'ai trouvé ça aussi mythique. 5 minutes avant, ouais. Oui, c'est... Voilà, bah c'est tout cet épisode, quoi. Mais... Il cumulait les punchlines. C'est ça. Ouais, donc j'ai beaucoup aimé aussi la scène, comme on parlait d'Angels of S.H.I.E.L.D., là, pas du final, mais du final de mi-saison. Justement, la dernière scène où on voit la... La naissance. Dans le plan, dans le temple, avec, oui, la naissance, la teratogénèse de Reyna et de Sky, et surtout le moment où Sky... révèle ses pouvoirs avec ce ralenti magnifique, la musique et tout. Une très belle scène. Mais de manière générale, la réalisation était vraiment léchée hein, sur cette saison 2. Hein. Oui. Je dis que c'était vraiment bien fait. Bah, on est loin du début de la saison. Non, c'est sûr. Moi, c'est le Shield, pour rester dans le Shield, c'est l'hologramme de la cité inhumaine dans, je crois que c'était épisode 8 ou 9, en fait, par Coulson. Qui montre à l'équipe, en fait, et ça embraye direct sur les inhumains. Oui, la signification des symboles révélés, c'est vrai que c'était un moment assez fort. Elodie, est-ce que tu as un moment dans cette série-là, toi, puisqu'on est sur Agents of S.H.I.E.L.D., parmi tes moments forts de l'année? J'ai des moments où j'ai bien rigolé, grâce à Ward. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé quand ils sont venus à travailler avec eux dans le S.H.I.E.L.D. Je trouve qu'il y avait des moments très drôles, sinon pas une scène particulière qui a marqué. D'accord. Moi, si je peux ajouter une pierre à l'édifice, comme j'ai dit tout à l'heure, le personnage de Kyle MacLachlan, Calvin Zabo. J'ai beaucoup aimé le personnage, je l'ai trouvé très touchant du début à la fin, et très intéressant. D'ailleurs, dommage parce que bon, si on voit le final, il n'apparaîtra plus a priori, ou on sait jamais. Oui, c'est vrai qu'on sait jamais. Enfin, pour l'instant, temporairement, il a l'air d'être un peu hors jeu, mais en tout cas, c'est le personnage qui m'a bien enthousiasmé. Parce que justement, il ne pourrait pas revenir avec des périodes où justement il se souvient et où il est complètement badass et où on aurait vraiment le vrai hype de cette fois. Ah bah tout est possible dans les univers de comics. Hein, c'est possible. Scène aussi. Cette dernière scène où on voit les brumes tératogènes se mélanger à l'océan, se mélanger, je sais plus trop, il y a l'océan, après ça va dans des boîtes de conserve, ouais, avec le pont, tout ça. Et les médicaments, des vitamines. C'est ça, et ça permet de faire plein de théories sur la suite. C'est ça, ouais. Et puis, ouais. Donc, pour moi, évidemment, Science Beach et puis l'ensemble de la saison de Léo Fitz, voilà. Et alors si je dois citer mon deuxième moment, c'est aussi une punchline qui est hyper révélatrice de tout un état d'esprit, c'est Supersonic Punch Baby. Ah oui. par Cisco. Ouais. Parce que là on touche vraiment dans la funitude totale. Ah mais Cisco moi c'est la série Flash cette saison. Hein. On est dans le fun complet enfin il y a pas plus comics je crois que ce passage là et puis pas mal aussi de la saison de The Flash en général hein, mais voilà, c'est incroyable. Moi, Cisco, enfin, puis sur cette phrase-là, avec ce moment où Flash découvre un nouveau pouvoir, la réalisation, on peut en dire effectivement pas forcément que du bien, notamment dans cette scène, où on voit un peu trop que, voilà, ce sont des effets, mais voilà, le moment est tellement fort que ça reste, moi, dans les deux grands moments de la saison. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que les CW, depuis 3-4 ans, niveau réel, ça commence à avoir de la gueule, hein. Oui, bah ils prennent de l'argent à Arrow pour le mettre à Flash, donc. Ouais. On pense à d'autres séries. Moi, je pense à The Android. Ouais, par exemple. Alors que je n'ai pas encore découverte, mais que ouais, je. Tu devrais. Ça va être un des trucs de l'été, je pense. Ouais. Et accroche-toi au départ. Ouais, je le sais, je suis prêt à le faire parce que je lis tellement de bonnes choses sur la suite que voilà, y a pas de. Parce que je regarde aussi Nikita, par exemple, ça fait 3-4 saisons et c'est plutôt bien péchu niveau action, quoi. Pour la chaîne, pour la CW, hein, j'entends. Oui. C'était l'une des pionnières pour le changement de direction de la chaîne. Et puis, si on reste sur la CW et qu'on fait une petite aparté, certes, vous avez peut-être hurlé, mais moi j'ai lu beaucoup de très très bons échos sur Jane the Virgin, le truc complètement inattendu. Critique Jane the Virgin épisode. Donc du coup, je suis même à deux doigts de me dire, je vais regarder, vous voyez. La série a même reçu, l'actrice a reçu un Golden Globe. C'est la première récompense pour la chaîne. Qui n'est pas rien, effectivement. Voilà. Quand on pense qu'avant, il y avait du Gossip Girl, il y a encore du Beauty of the Best sur la chaîne. Ouais. Alors, en même temps, désolé, mais Gossip Girl, ainsi que Vampire Diaries, tout ça, ça fait les beaux jours de la chaîne. Hein. Ça a fait, toujours, Vampire Diaries a toujours des audiences qui sont très correctes. Pour la chaîne, ça, oui. Si on enlève les gros cartons que sont The Flash, éventuellement Arrow, effectivement, c'est quand même pas... C'est celle qui vient après, je crois. Voilà. On a aussi Supernatural, enfin voilà. Puis même ces quatre séries-là, sur leur première saison, étaient quand même loin d'être hyper désagréables. C'est vraiment sur la longueur où ça s'est un peu effrité. Mais bon. On va fermer la parenthèse, parce que ce n'est pas le sujet de cette émission. Moi, je vais revenir sur deux scènes que j'ai bien aimées. Ouais. je garde la plus drôle pour après. La première, c'est que j'ai bien aimé, dans l'épisode 1 de la saison 5 de The Walking Dead, les retrouvailles entre chacun, qui étaient très émouvants. En particulier, les retrouvailles entre Carol et Daryl, et Rick qui retrouve sa fille, qui porte J'ai trouvé ça vraiment... Oui, ces 30 secondes-là étaient plutôt agréables, c'est vrai. j'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé ce passage. Ces 30 secondes-là, après les 40 autres minutes, c'était de la merde. Ouais, on est un peu d'accord. Ouais. C'était pas trop mal agencé. Une scène que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, et je pense qu'il m'a marqué parce que c'est la première qui m'est venue à l'esprit de toute cette saison, et c'est une scène de Gotham. Oh mon Dieu. La scène où Fish Mooney s'arrache l'œil pour l'écraser, mais alors cette scène... Ouais. Ah, si tu veux citer Gotham, il y a plein de scènes qui m'ont marqué aussi, mais c'est pas de manière positive. Voilà, voilà. Ah, bah, on n'a pas dit que c'était de manière positive, on a dit que c'était de manière positive. Ah, bah, le mort du Riddler, par exemple, c'était mal mis en scène. Il donnait coup de couteau, et à chaque coup de couteau, il y avait des éclairs, mais c'était tellement ridicule. J'avais envie de hurler après mon écran. Enfin, on va pas refaire le débat, mais. Non, c'est ça. Il y en a plein dans Gotham. Ça fait trois fois. Par exemple, moi, j'ai en Gotham, celle qui m'a marqué en négatif, c'est Jeffrey Copps qui est mutilé avec la Dr. Frankenstein. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais il se fait greffer des membres de partout et on le découvre avec une mauvaise incrustation de lui allongé sur la chaise. Ça vous dit quelque chose? Non. Oui, je vois. Dans la clinique du docteur, ouais. Voilà. C'est peut-être l'épisode que j'ai pas regardé. Non, mais oui, je me rappelle. Bon, pour passer de manière positive et complètement détourner l'attention un peu de Gotham. Exactement. Voilà. Sur le final de Daredevil, qui est associant deux moments. Un, le combat final, déjà, et puis le fameux plan final de Matt Murdock, le regard sur la ville, etc., paré de ses nouveaux atours j'étais définitivement conquis à ce point-là de la série. Voilà. Il y a aussi la scène de la portière. Ah ouais. Aussi, oui. Incroyable. Oui. Ça m'aurait presque fait détourner le regard. Presque. Pour Daredevil, ce que je reviens surtout, c'est le dernier plan du premier épisode quand il fait écho au dernier plan en fait de la saison 1. Bah c'est quand il est avec son uniforme noir en fait qui fait la même chose. Oui, sur le toit. Voilà, en un seul épisode, on comprend tout de suite que la série va rentrer tout de suite dans le bain, qu'il va pas y avoir une origin story de une saison. C'est dès le premier épisode, c'est le justicier de Hell's Kitchen. Point barre. Et effectivement, pour rajouter un truc sur Daredevil, effectivement, c'est un de mes meilleurs moments de la saison, mais pas, oui, effectivement, en dehors de toutes les qualités qu'on a pu dire de la série, etc., etc. La journée de sortie de Daredevil dans son ensemble est un des meilleurs moments de ma saison parce que c'était quand même un moment à vivre assez incroyable quand même, parce que tout le monde qui se jette sur cette série en même temps, les commentaires sur Twitter, voilà, d'avancer au même rythme, etc., de comparer ses avis un peu en live, et au final, à la fin du marathon, voilà, avoir cette espèce de satisfaction, je ne sais pas quoi. Enfin voilà, c'est vraiment ces quelques 24 heures d'expérience partagée, c'est aussi quelque chose qui a compté pour la série Daredevil. Oui. Arnaud, toi qui l'as fait aussi, voilà, tu... Parce que pour ceux qui avaient le temps... Ah, bah ceux qui avaient posé intelligemment leur congé comme moi. Ceux qui sont à la fac. Ça a été un sujet de débat sur pas mal de forums, savoir comment est-ce qu'on va faire pour les chroniques, pour dire nos avis et tout, vu que certains peuvent le faire, le be-watching en un week-end, et d'autres pas, parce qu'ils ont une famille, ils peuvent pas... ils travaillent le week-end. C'est sûr que voilà, c'était... Il y a encore des forums. Oui, il y a encore des forums qui marchent très bien, oui. Oui, monsieur. Vous avez terminé avec vos grands moments de la saison, ou pas? Ouais, pour moi. Ouais. Alors l'avenir, du coup, la saison prochaine, 2015-2016. Trop de séries. Il va falloir s'accrocher quand même. Beaucoup d'attentes, beaucoup. Alors toi, beaucoup d'attentes. Alors tiens, bah vas-y, qu'est-ce que tu attends comme ça dans ton top 3 de ce que tu attends le plus la saison prochaine? Top 3, oula. Ouais. Alors, sans contestation, la saison 2 de Daredevil, dans le désordre. Hein. Oh, oui. La saison 2 de Daredevil, pour voir s'ils vont continuer, surtout qu'ils viennent de caster le Punisher. Alors certes, il y a un des showrunners, je crois, qui part de la série. Stephen Knight, qui était appelé à la rescousse au début de saison 1. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon, je pense que la qualité baissera pas. Donc, bref, la saison 2 de Daredevil, c'est sûr. J'attends aussi Legends of Tomorrow, comme j'imagine beaucoup de gens ici. Oh là là là là. Parce que rien que le trailer, c'est quand même une jouissance absolue. Moi, j'attends que la mise en œuvre. Et j'attends, ça c'est vraiment une attente vraiment personnelle, Jessica Jones, parce que Kristen Ritter, là, de Breaking Bad en Jessica Jones, et surtout parce que David Tennant va jouer le méchant. Et rien que pour ça, j'attends avec une espèce d'impatience conjuguée à un fanboyisme, à son... à son apogée. Voilà. Donc voilà, vraiment top 3 ces trois là sans conteste. Élodie? Bah moi j'attends rien de spécial. Ah ouais. Il y a aucune série que je me dis waouh, je suis trop pressée. J'attends de voir et de découvrir. Même pas The Walking Dead? Ah, pour les séries déjà existantes. Ah bah oui, ça peut être la série déjà existante. Ah ouais, forcément, quand The Walking Dead va sortir, je serai là au rendez-vous dès le lendemain. Mais pareil pour Agent Carter, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais bon, après c'est pareil pour Agent of Shield ou d'autres. Pour Gotham beaucoup moins, je sais pas si je continuerai d'ailleurs. Par contre, pour tout ce qui est nouveautés, il y en a aucune que, enfin, j'ai aucune attente sur les nouveautés. J'ai vu juste derrière Arrow là le trailer de Legend of Tomorrow qui moi m'a plus énervé qu'autre chose. Donc ah oui, en quoi? Déjà la résurrection de Sarah. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi déjà rien que ça m'énerve. Moi le personnage de Ray Palmer, non? De Ray Palmer exactement. Que je trouvais très intéressant à la base, a été très très mal développé dans Arrow, donc j'espère qu'ils vont mieux le développer dans Legend of Tomorrow, parce que je pense qu'il a du potentiel, mais alors qu'il a été absolument pas bien exploité dans Arrow. Par contre, j'aime beaucoup Captain Cold, et rien que pour ça, je regarderai Legend of Tomorrow. Captain Cold, c'est le mec de Prison Break? Oui. Ouais, Wentworth Miller. J'espère qu'il soit pas casté pour le revival de Prison Break. Bah si. Bah normalement non, puisque je vous rappelle ce qui lui arrive à la fin de la série Prison Break. S'il est rappelé, il y a un souci. Hein. Bah moi, ça rate le crédit, on a vu sa tête. Oui, tout est possible dans cette série. Là, il est sous terre quand même, je veux dire. Donc. Ouais, mais il est pas vraiment mort, tu comprends, blablabla. Non. Ça peut être un préquel. Hein. On avait mal vu. Non mais ouais, bah ça, je crois que ça c'est la pire idée de l'année prochaine, par contre. Mais c'est pas comics, donc tant mieux. J'ai envie de dire. Mulder, toi, tes trois grosses attentes pour l'année prochaine? La grosse attente, là, la grosse attente, c'est Netflix, en fait, c'est pour voir comment ils vont développer tout leur univers, parce qu'avec, donc, il y a le Punisher dans Daredevil, il y a Luke Cage qui apparaît dans Jessica Jones, et je suis curieux de voir comment ils vont tout pouvoir réunir tout ça, en fait, sur Netflix. Après, il y a Age of Shield, saison 3, là, j'attends de voir un petit peu comment ils vont faire pour le rassemblement. Je veux pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la fin de saison 2, mais la quête des humains et de l'équipe de super-héros. Et en troisième attente, là, c'est un guilty pleasure total, c'est Supergirl, que je veux voir un petit peu comment ils vont, comment DC va faire une série avec un lead féminin. D'accord. Surtout quand on a vu la parodie de Black Widow, en fait, après. Et Arnaud, tes trois attentes? Pas Supergirl. Ah, sûrement pas. Gotham. Pitié, non. Gotham, ouais. Walking Dead et Supergirl. Hein, Arnaud? Le trio parfait. Legends of Tomorrow, parce que c'est d'un projet ambitieux. Et le trailer m'a, comme quasiment tout le monde, m'a enthousiasmé. Voilà, c'est limite, j'ai regardé le trailer trois fois de suite. Donc, le Legends of Tomorrow, les séries Netflix de Marvel, hein. Donc la saison 2 de Daredevil, Jessica Jones aussi, j'ai beaucoup d'attentes avec, pareil, Kristen Ritter et David Tennant. Et de voir justement le changement de ton qu'on peut-être avoir, parce que comme elle est plus super-héroïne, elle raccroche. Donc l'histoire, c'était après qu'elle ait raccroché son statut de super-héroïne, donc ça va être peut-être un peu différent de Daredevil, mais ça peut être intéressant. Et puis bien sûr, sans doute Luke Cage en 2016. Et en troisième attente, c'est difficile, parce qu'il y a bien sûr la saison 3 d'Agents of S.H.I.E.L.D., mais je vais quand même dire la saison 2 de The Flash, parce qu'avec ce final qui introduit le multiverse de DC, qui enthousiasme tous les fanboys de DC, donc ça, j'ai beaucoup d'attentes pour la saison 2, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et comme ils ont été plutôt ambitieux sur la seconde partie de saison, et encore plus sur les derniers épisodes et le final, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer en saison 2. Ok. Et pour ma part, je dirais, pour m'économiser une place dans les trois, l'ensemble des séries Marvel, que ce soit Agents of S.H.I.E.L.D. ou Daredevil et Jessica Jones, tout ça, je vais pas répéter, The Flash saison 2, évidemment, parce que ça s'annonce assez énorme, et Legends of Tomorrow aussi, voilà, pour le top 3. Et si... Il y a quand même un truc, en dehors de ces trois grosses choses-là, que j'attends, mais c'est complètement autre chose, c'est du pur vice de ma part. J'attends Supergirl, parce que j'ai tellement hâte de faire les débriefs de ça. Parce que le débrief de Supergirl, ça sent le débrief de Gotham cette année. avec des personnes différentes dans le côté pour et dans le côté contre, mais voilà, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, ça va être sympa, je pense. Curieux de voir ça aussi, hein. ça va saigner. Total plaisir. En total plaisir coupable, c'est vraiment... Ah non, mais c'est du pur vice, là. C'est du pur plaisir coupable. C'est juste parce que, pour s'en moquer. Parce que j'attends pas Supergirl pour la regarder, hein. J'attends Supergirl pour en parler. C'est pas pareil. Voilà. Et bien voilà, on est arrivé au bout tranquillement de ce bilan de saison. On se retrouve donc évidemment à la rentrée pour le retour de sur nos écrans pour une nouvelle saison. D'ici là, on se retrouvera dans l'été pour vous parler alors de Fear the Walking Dead et puis également des deux films qui sortiront dans l'été, à savoir Fantastic Four et Ant-Man. Voilà. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vas-y. La semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer... C'est exactement celle que j'allais faire, donc vas-y. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Ming-Na Wen, alias l'agent May de... Putain. Attends, il y a la suite aussi. Il y a la suite qui va avec. Agent of S.H.I.E.L.D. Et j'ai pu rencontrer également Elle Atwell, l'agent Carter. La très charmante Elle Atwell, hein, précise. Ainsi que Robert Knepper qui m'a parlé un peu de Legend of Tomorrow. Donc voilà, toutes ces informations seront très bientôt sur nos écrans, voilà. Si vous voulez lire. Donc guettez sur nos écrans.com. On relaiera de toute façon, hein, pour les lecteurs, auditeurs de Comic Stories, on relaiera sur nos réseaux sociaux ces articles-là. En tout cas, ça arrive très bientôt en France sur une des chaînes de Canal+. Voilà. Donc voilà, on relaiera tout ça sans souci. Donc, et bien maintenant, on n'a plus qu'à vous souhaiter à tous un bon été, de bons rattrapages de séries, et puis on se retrouve en pleine forme la saison prochaine. D'ici là, bonne série et à bientôt. Salut. Bye bye. Salut.